Namasté, bon matin à tous, ici Cédric Michel et bienvenue dans cette nouvelle méditation. Ce matin, on va pratiquer pour se mettre dans les conditions idéales pour une belle journée. Et avant de plonger dans cette belle expérience méditative, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche afin de pouvoir être informé librement dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Trouvez une position confortable et agréable, les yeux fermés, le dos bien droit. Et commencez cette méditation du matin par prendre quelques bonnes inspires et bonnes expires. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Encore, inspirez. Expirez. Puis maintenant, on va respirer sur quatre temps. On va inspirer, puis retenir notre souffle, puis souffler, et enfin suspendre la respiration. On va faire ça sur quatre temps égaux. J'inspire sur un temps, je retiens sur le même temps, j'expire sur ce même temps, et je suspends le souffle sur le même temps. On va en faire deux ensemble. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4. Soufflez. 1, 2, 3, 4. Suspendez la respiration. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4, soufflez, 1, 2, 3, 4, et suspendez, 1, 2, 3, 4. Très bien, maintenant faites ça à votre propre rythme pendant quelques instants. Vous pouvez choisir un compte de 3, 4 ou 5. Et rappelez-vous simplement qu'il ne faut pas forcer. Cette technique est là pour vous donner de l'énergie et non pas pour vous en faire perdre. Maintenant, suivez simplement le flux de la respiration. La respiration naturelle qui entre et qui sort du corps. Observez la qualité de votre respiration, sa lenteur, sa profondeur, et en même temps la manière dont le corps bouge sur la respiration. Et observez comment le flux des pensées ralentit lui aussi. Ce flux de pensées qui ralentit, qui permet d'ouvrir cet espace de la conscience et créer les conditions idéales pour vous permettre d'observer les choses telles qu'elles sont et avec beaucoup plus de précision. Observez les sensations présentes dans votre corps. Sans juger, sans vouloir modifier quoi que ce soit, soyez dans l'observation et dans l'acceptation. Ok, maintenant observez les sensations au niveau des narines quand l'air entre dans votre corps et l'air légèrement plus chaud quand l'air ressort. Maintenant, on va passer aux affirmations positives. Chacune sera répétée 2 fois de suite afin de bien les entendre et les comprendre. Et aujourd'hui, vous allez avoir un peu plus de 30 secondes entre chaque affirmation afin de vous permettre de vraiment les ressentir, de les vivre, de les savourer. Et en même temps, à un niveau plus profond, vous allez sans même y penser vous caler complètement sur le rythme vibratoire de ces affirmations positives. Et à partir du moment où votre être vibre toute cette positivité, la seule chose que vous avez à faire, c'est lâcher prise et faire confiance à l'univers. J'aime beaucoup cette phrase de sagesse populaire qui dit que l'univers à chaque instant conspire à notre succès et à notre bonheur. Mais encore faut-il que l'univers sache dans quelle direction elle doit conspirer pour nous. C'est le but de cet exercice. On va commencer. J'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'être heureux. J'accepte et j'autorise que de bonnes choses pour moi circulent en abondance dans ma vie. J'accepte et j'autorise que de bonnes choses pour moi circulent en abondance dans ma vie. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je m'aime et je m'accepte comme je suis. Je me pardonne mes erreurs. Je me pardonne mes erreurs. L'opinion des autres sur moi n'a pas à devenir ma réalité. L'opinion des autres sur moi n'a pas à devenir ma réalité. Je choisis d'aborder les choses et cette journée avec positivité et sourire. Je choisis d'aborder les choses et cette journée avec positivité et sourire. Aujourd'hui, je m'autorise à offrir mon sourire à deux personnes que je ne connais pas. Aujourd'hui, je m'autorise à offrir mon sourire à deux personnes que je ne connais pas. Aujourd'hui, j'accepte les choses que je ne peux pas changer. Je lâche prise. Aujourd'hui, j'accepte les choses que je ne peux pas changer. Je lâche prise. Je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de plus grand que tous les obstacles. Je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose de plus grand que tous les obstacles. Je m'autorise à exprimer et à vivre mon amour pour moi, pour les autres et pour la vie. Je m'autorise à exprimer et à vivre mon amour pour moi, pour les autres et pour la vie. Prenez quelques instants pour être attentif et attentive à la manière dont vous vivez ces choses, à votre vibration intérieure, à vos sensations, à vos émotions. Observez sans juger et profitez. Restez encore dans cette méditation du matin le temps que vous souhaitez. La musique prendra fin dans 3 minutes. C'était Cédric Michel pour vous accompagner. Si cette méditation du matin vous a plu, partagez-la librement avec vos amis pour que eux aussi en profitent. Vous pouvez aussi participer au programme offert de 7 jours pour vivre plus sereinement. Il vous suffit juste de cliquer sur le petit i en haut ou sur le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas que prendre du temps pour soi, c'est s'accorder de l'importance. Namasté.